Bonjour, je m'appelle Pasquale et vous êtes sur mon nouveau podcast Roast Beef, un podcast qui parle d'une trentenaire qui plaque tout ou presque pour s'installer à Londres. Mon histoire. On va parler de la prise de décision, les raisons, comment faire, surtout quand on est une femme, et de l'entrepreneuriat de changement de vie. Je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de Roast Beef. You should ever leave me, though life would still go on.